Bonjour, je suis Aimé Bonaparte. Vous ai-je déjà présenté les véritables acteurs de votre réveil matinal ? Bonjour. Nous sommes les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit du réveil. Le réveil. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Bonjour. Nous sommes les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit de la cafetière. La cafetière. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Nous sommes les amis du matin. Les amis du matin. Et pour te réveiller, on imite le bruit du grille-pain. Le grille-pain. Chut. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Chauffe. Bonjour. Nous sommes les amis du matin. Pour te réveiller, on imite le bruit de se brosser les dents. Se brosser les dents. Chut. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Le difficile, ça frotte. Haut en bas, de bas en haut, de gauche en droite, droite à gauche, frotte. Tout ça, on rince. Et puis on crache. Bonjour. Nous sommes les amis du matin. Les amis du matin. Non, toi, tu dégages. Chut. Et pour te réveiller, on imite le bruit de mon orteil dans ton oreille. Mon orteil dans ton oreille. Chut. Amis du matin, parez. Amis du matin, imitez. Mon orteil. Non, t'es dans ton oreille.